laisse passer ce bout de temps qui lui donne le droit d'être libre simplement et pouvoir vivre de ses choix. Et elle regarde passer la nuit à explorer sa vie réelle, sans peur d'avoir un jour aussi tous ses regards posés sur elle. Elle aime ainsi rêver d'un monde sans couleur ni normal, une place pour chaque idée, aucune race ni morale. Et elle admire ceux qui, comme elle, ne sont pas conformes à la norme. Elle voudrait bien être de celles qui se défendent d'être pareil ou d'être conforme. Quand Sandra s'émerveille, elle n'est pas bien différente de toutes ces femmes qu'elle s'invente. Quand Sandra se réveille, le cœur a ses raisons que certains gens refusent encore, le droit de vivre par passion et sans subir de désaccord. Sandra ne sait comment le faire sans penser au qu'en dira-t-on. Elle imagine un univers où elle serait libre comme l'air de vivre à fond. Quand Sandra s'émerveille, elle n'est pas bien différente de toutes ces femmes qu'elle s'invente. Mais quand Sandra se réveille, elle se sent bien différente pour tout le monde autour d'elle. Laisse-la juste vivre comme toi, aimer cette fille parce qu'elle y croit, lui donner la main par amour et l'épouser pour toujours. Pourquoi n'aurait-elle pas le droit à la même chose que toi et moi, au respect de son droit. Tenir la main d'une autre fille, Sandra le rêve depuis toujours. Mais elle n'ose pas le faire ici, ce monde où les avis valent plus que son amour.